بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Donc nous poursuivons inshallah l'explication de Kitab al-Siyam, le livre du jeûne. Donc au dernier dars, nous avions entamé le chapitre concernant les règles des catégories de personnes qui rompent leur jeûne pour des raisons diverses. Et ils étaient donc au nombre de quatre catégories. La première, citée par l'imam Ibn Qudama rahimahullah, se compose de deux catégories de personnes. Le malade, donc qui éprouve de la difficulté, ou bien pour lequel le jeûne lui fait du mal, ainsi que le voyageur, donc à qui il est permis de réduire sa prière en voyage. Donc ça, c'est la première catégorie, le malade et le voyageur. La deuxième catégorie, la femme qui a ses menstrues et la femme qui a ses lochis. Troisième catégorie, la femme enceinte et la femme qui allait. Quatrième catégorie, le vieux et la vieille, donc les personnes âgées qui sont incapables de jeûner, donc en raison de leur âge avancé. Et dans cette quatrième catégorie entre aussi la personne dont on n'espère plus la guérison. Donc la première catégorie concernant le malade ainsi que le voyageur, il y avait des détails. Donc il faut revenir au dars précédent, inshallah. La femme qui est en état de menstrue ou bien en état de lochi, elles doivent rompre leur jeûne et ensuite le rattraper, tout comme le voyageur et le malade doivent rattraper aussi ces journées qu'ils ont mangées. La troisième catégorie, la femme enceinte et la femme qui allaite, doivent donc rattraper aussi les journées qu'elles ont mangées. Et il y avait l'avis de certains savants qui disent qu'elle doit nourrir un pauvre pour chaque journée mangée. Allahu a'lam, cette chose peut rester recommandée si quelqu'un veut sortir de la divergence, c'est nourrir donc un pauvre par journée mangée, mais ce n'est pas obligatoire. Et dans la quatrième catégorie, donc la vieille et le vieux, donc les personnes âgées qui sont incapables de jeûner ainsi que le malade dont on n'espère pas la guérison, donc il est de leur devoir de nourrir un pauvre par journée mangée et ils n'ont pas à rattraper ces journées-là car ils en sont incapables. L'imam Ibn Qudama rahimahullah a dit ensuite وَعَلَى سَائِرِ مَنْ أَفْتَرَ الْقَضَى وَلَا غَيْرِ. Et concernant le reste des personnes, ils doivent faire le qada, donc rattraper les journées mangées, la rire et rien d'autre. Donc nous disons que al-muftirun, les gens qui ont rompu leur jeûne donc pendant le mois de Ramadan, de manière générale, ils sont de deux catégories. La première catégorie, c'est ce qu'on a étudié donc précédemment, c'est ceux qui rompent leur jeûne par une excuse donc sharia, une excuse législative. Donc le voyageur, le malade, la femme enceinte, etc. Ce que nous avons vu, la femme qui a ses menstrues. Donc ces différentes catégories-là, il leur appartient de rattraper leur jeûne, rattraper les journées, comme ça, rattraper les journées donc qu'ils ont mangé. Et la deuxième catégorie, c'est celui qui a rompu son jeûne, mais en n'ayant pas une excuse législative. Donc ces personnes-là, elles doivent aussi rattraper leur jeûne. On verra certains cas, comme celui qui a mangé par erreur. Non pas par oubli. Par oubli, c'est une autre catégorie. Celui-là, il ne doit pas rattraper sa journée selon l'avis du madhhab, et c'est l'avis le plus authentique. Mais celui qui a mangé, par exemple, par erreur, il pensait que le fajr n'était pas encore levé. Après, il s'est rendu compte qu'il avait mangé alors que l'aube s'était levée. Cette personne-là doit rattraper sa journée, elle n'a rien d'autre à faire. Et parmi ces personnes donc, qui ont mangé sans excuse législative, il y a deux catégories de personnes qui, en plus du qada, ont autre chose à faire. Le premier, c'est celui qui a eu un rapport sexuel donc pendant le mois de Ramadan, et on va voir le détail. Et la deuxième catégorie, c'est celui qui a désobéi à Allah, subhanahu wa ta'ala, donc en rompant son jeûne de manière volontaire, en mangeant ou en buvant. Cette personne-là, elle doit, en plus donc de rattraper son jeûne, se repentir. Se repentir du péché extrêmement grave, c'est une kabira, un grand péché qu'il a fait. Donc il doit se repentir et revenir à Allah subhanahu wa ta'ala en demandant pardon de cet acte qu'il a fait. Donc l'imam Ibn Qudama dit ensuite, rahimahullah, donc pour le reste des personnes, hein, pour le reste des personnes qui ont rompu leur jeûne, il est de leur devoir de rattraper les journées qu'ils ont mangées, l'aghir, donc en n'ajoutant rien d'autre. Il dit, illa man aftara bi jima'in fil farj. Il dit, sauf une personne donc qui a rompu son jeûne en raison d'un rapport sexuel dans le farj. Hein, dans le farj, on va réexpliquer ce qu'est le farj, même si on avait vu sa définition dans le livre de la purification et notamment dans le chapitre concernant Al-Rusl. Concernant le bain rituel. Il dit, illa man aftara bi jima'in fil farj. Donc, qu'est-ce qu'on entend par farj? Quelqu'un qui a eu un rapport sexuel donc dans le farj. Le farj, donc, c'est le vagin, hein, ainsi que l'anus. Le vagin comme l'anus. On avait dit que al-farj, dans la langue arabe, hein, dans la langue arabe, ça impliquait les deux. Ça impliquait les deux. Et aussi dans le sens législatif, le mot farj, hein, selon l'avis que nous avions choisi, même si certains savants disent que c'est le vagin et le pénis et non pas l'anus, Allah a'lam, ça implique les deux. Donc celui qui a un rapport, hein, sexuel avec sa femme ou une autre femme, que ce soit sa femme avec laquelle il a une alliance sharia, législative, ou bien si c'est par zina, par fornication, hein, cette personne-là, il a des règles, donc une kafara, il va devoir se rattraper par ce qu'on appelle al-kafara, al-mughalladha, la kafara, donc sévère, la grande kafara, que l'on va détailler, incha'Allah. Donc s'il y a eu rapport pendant le mois de Ramadan, que ce soit donc en pénétrant une femme dans le vagin ou bien dans l'anus, qu'Allah nous protège, il y a alors kafara mughalladha. Il y a kafara mughalladha avec le qada, avec rattrapage donc de la journée pendant laquelle il y a eu donc ce rapport-là. Donc il dit, rahimahullah, illa man aftara bi jima'in fil farj, sauf celui donc qui a eu un rapport sexuel dans le farj, donc on a dit le farj c'est le vagin et l'anus, فَإِنَّهُ يَقْضِي. Donc ça c'est la première chose. Il doit rattraper cette journée-là. Hein, première chose, il doit rattraper cette journée-là. Quelle est la preuve de cela? C'est un ajout qu'il y a chez Ibn Majah et Abu Daoud par rapport au long hadith qui donne le détail de la kafara mughalladha. On va voir le hadith d'Abu Huraira radiyallahu anhu après d'un homme donc qui a eu un rapport avec sa femme pendant le mois de Ramadan et il est venu au prophète alayhi salatu wassalam, il lui a dit je suis perdu. Le prophète alayhi salatu wassalam lui dit qu'est-ce qui t'arrive? Il a dit j'ai eu un rapport avec ma femme pendant le mois donc de Ramadan. Puis le prophète alayhi salatu wassalam va lui donner le détail de la kafara mughalladha, donc de comment se rattraper, hein, de cette erreur-là, et il va lui donner donc les trois étapes possibles. Dans ce hadith-là, dans une version d'Ibn Majah et de Abu Daoud, à la fin, le prophète alayhi salat wa salam a dit wasum yawman makana. Wasum yawman makana. Et jeûne un jour à la place donc de ce jour-là pendant lequel tu as eu un rapport sexuel. Et il y a une grosse divergence sur cet ajout-là. Est-ce qu'elle est authentique ou pas? Certains savants l'authentifient, Cheikh Al-Albani rahimahullah l'authentifie, ainsi que Ibn Hajar dans le fait, Wallah a'lam, et d'autres l'affaiblissent. Et aussi qiyasan ala man aftar amdan, et aussi par raisonnement analogique sur celui donc qui a rompu son jeûne de manière volontaire. Même si le qiyas, hein, dans ces portes-là, comme vous savez dans l'ibadat, hein, c'est faible, car ce sont donc des cas qui sont isolés. Wallah a'lam, on a donc l'ajout dans chez Ibn Majah de Abu Daoud dans lequel le prophète alayhi salatu wa salam dit et jeûne donc un jour à la place de ce jour-là. Donc ça c'est concernant Al-Qada. La preuve du Qada, c'est l'ajout qu'on a dans le hadith d'Abu Huraira radiallahu anhu chez Ibn Majah et Abu Daoud. Il dit ensuite, فَإِنَّهُ يَقْضِي وَيَعْتِقُ رَقَبَهُ, et il doit libérer un esclave, وَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَمُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ, s'il ne trouve pas d'esclave. Donc on va voir, soit il ne trouve pas d'esclave, lui n'en a pas à libérer, ou bien il n'a pas l'argent pour pouvoir en acheter un et le libérer, ou bien il n'y a pas d'esclave, tout court. Wa in lam yajid fasiyam shahrayn mutatabi'ayn, s'il ne trouve pas, donc alors il doit jeûner 2 mois consécutif, فَإِلَّمْ يَسْتَطِعْ, s'il en est incapable, فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينَ, il doit alors nourrir 60 pauvres. Donc quelle est la preuve de ces trois notions-là qu'a donné l'imam Ibn Qudama rahimahullah? On va donner le hadith et ensuite on va donner des détails donc sur cette kafara et comment est-ce qu'elle doit se faire. عن أبي هريرة رضي الله عنه. Selon أبو هريرة رضي الله عنه. قال il a dit جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال. Un homme est venu au prophète عليه الصلاة والسلام et a dit هلكت يا رسول الله. Ô messager d'Allah, je suis perdu. قال وما أهلك وما أهلكك. Le prophète عليه الصلاة والسلام a dit mais qu'est-ce qui t'a perdu? قال وقعت على مرأتي في رمضان. Il a dit j'ai eu un rapport avec ma femme pendant le mois de Ramadan. Qala, donc le prophète alayhi salatu wa sallam a dit هل تجد ما تعتق رقبة, il a dit est-ce que tu trouves donc de quoi libérer un esclave. Qala la, il a dit non. Qala فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين, il lui a dit est-ce que tu es capable de jeûner deux mois consécutifs, il lui a dit non. Dans une version l'homme a dit وهل أوقعني فيما أنا فيه إلا صوم, est-ce que ce n'est pas au messager d'Allah le jeûne qui m'a fait tomber dans la situation où je suis, c'est à cause du jeûne que je n'ai pas pu résister, j'ai dû avoir un rapport avec ma femme. Qala la, il a dit non, donc je ne suis pas capable de jeûner deux mois consécutifs. Qala fa hal tajidu ma tut'imu 60 miskina, il a dit est-ce que tu as de quoi nourrir 60 pauvres. Qala la, il lui a dit non. Qala thumma jalasa, puis il s'est assis, fa utiya an-nabi sallallahu alayhi wa sallam bi'araqin fihi tamr, puis on a apporté au prophète alayhi salatu wa salam un plateau dans lequel il y avait des dattes. Faqala, donc le prophète alayhi salatu wa salam a dit tasaddaq bihada, il a dit prends ça et donne-le en aumône. Donc cette personne ne pouvait pas libérer un esclave, il ne pouvait pas non plus jeûner deux mois consécutifs, il ne pouvait pas non plus nourrir 60 pauvres. Le prophète alayhi salatu wa salam, ensuite on lui a apporté donc un plateau dans lequel il y avait des dattes. Le prophète alayhi salatu wasalam a dit donne ça en aumône. Qala ala afqara minna, cet homme-là a dit est-ce que je vais donner ça en aumône à quelqu'un de plus pauvre que nous, que ma famille. Il a dit fama bayna labatayha ahlu baytin ahwaju ilayhi minna, il n'y a pas entre les deux parties donc qui entouraient Médine où il y avait des pierres noires et lisses, c'est ce qu'on appelle al-laba. Al-laba, c'est un endroit où il y a des pierres noir, et Médine est entourée de deux endroits comme cela. C'est pour ça qu'il a dit « ma bayna la batayha », c'est un musanna, un duel. Dans une version, un rapporteur dit « yuridu al-harratayn ». Al-labatu, c'est al-harra. Et al-harra, c'est un endroit où il y a plein de pierres. Et c'était le cas autour de Médine. Il y avait deux endroits comme ça où il y avait des pierres. Il a dit « wallah » qu'il n'y a pas entre les deux « laba ». Donc entre ces deux endroits-là, il vise Médine. Donc toutes ces habitations-là, il dit il n'y a pas de famille qui sont plus dans le besoin d'avoir donc ce plateau de dattes que nous. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجده. Puis le prophète عليه الصلاة والسلام rit jusqu'à ce que ses molaires apparurent. وقال donc et il dit le prophète عليه الصلاة والسلام اذهب فأطعمه أهلك, il a dit pars et donne leur nourriture à ta famille. Rawahu al-jama'a, rapporté par al-jama'a ou bien rapporté par les sept. Qui sont les sept? Min al-jama'a. Bukhari, Muslim, Ahmed, Tirmidhi, Nasa'i, Abu Daoud, Ibn Majah. Donc dans ce hadith-là, le prophète alayhi salatu wa salam, lorsque cette personne est venue et lui a dit qu'il avait eu un rapport avec sa femme pendant le mois de Ramadan, le prophète alayhi salatu wassalam donc l'a informé de la kafara. D'abord cette personne-là, elle savait, ça c'est une première information qu'on tire du hadith, elle savait qu'il était interdit d'avoir un rapport pendant le mois de Ramadan, car il n'y a pas de kafara pour celui qui ne sait pas. Pour celui qui ne sait pas, il n'y a pas de kafara. Donc lui le savait, car il est venu, il a dit halakt. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit qu'est-ce qui t'a perdu? Et il lui a dit, donc j'ai eu un rapport avec ma femme pendant le mois de Ramadan. Première chose que lui a proposé le prophète, alayhi salatu wassalam, c'est de libérer un esclave. Donc ça, c'est la première chose que l'on doit faire. Si jamais on ne peut pas, on ne trouve pas d'esclave, à libérer, on n'en a pas à libérer, ou on n'a pas l'argent pour acheter un esclave et le libérer, alors à ce moment-là, et c'est seulement à ce moment-là qu'on doit passer à la deuxième étape. Hein, car le tartib, le programme donné par le prophète alayhi salatu wassalam, il est wajib, comme c'est très clair dans d'autres versions. Ensuite, qu'est-ce que l'on doit faire? Si on ne peut pas libérer d'esclaves, alors c'est le jeûne de 2 mois consécutifs. Le jeûne de 2 mois consécutifs. Si la personne n'en est pas capable, alors à ce moment-là, elle passe à la troisième étape, qui est nourrir 60 pauvres. Qui est nourrir 60 pauvres. Et le mufti, lorsqu'il est questionné, il doit se comporter comme le prophète, alayhi salatu wassalam. Dans ce hadith-là, il y a beaucoup de sagesse que les savants tirent. Mais on va passer sur quelques grands points que les savants mettent en lumière lorsqu'ils parlent de ce hadith-là. Le premier, c'est que le prophète, alayhi salatu wassalam, il ne l'a pas réprimandé, malgré la gravité de l'acte. La personne est venue, et elle est venue repentante, en se repentant vers Allah subhanahu wa ta'ala. Et le mufti, le savant, le qadi, lorsqu'une personne revient vers lui dans cet état-là, il ne doit pas le réprimander, tout comme l'a fait le prophète alayhi salatu wassalam. Il ne doit pas le sermonner, lui parler de la gravité de ce qu'il a fait, pourquoi est-ce que tu as fait ça, c'est le mois de Ramadan, tu n'es pas patient, c'est grave. Non, la personne est revenue repentante, il faut prendre comme modèle le prophète alayhi salatu wassalam. Puis le prophète alayhi salatu wassalam, lorsque la personne donnait une excuse en disant qu'elle ne pouvait pas, il ne cherchait pas, il ne faisait pas une enquête. Il voulait savoir si vraiment il ne pouvait pas libérer d'esclaves. Lorsqu'il lui a dit qu'il ne pouvait pas jeûner 2 mois, il n'a pas non plus fait une enquête. Il lui dit, mais tu as l'air en bonne santé toi, comment ça tu ne peux pas jeûner? Non, tout de suite il a laissé, car la ibada elle est entre l'individu et Allah Azza wa Jal. Toi, ce n'est pas ton travail. La personne peut même être hypocrite. Ce n'est pas ton travail de, après, charger les gens de ce qu'eux veulent ne pas se charger. Toi, tu montres le hukm shara'i. Tu montres le statut législatif de la chose. Si la personne veut l'appliquer, tant mieux pour elle. Si elle ne veut pas, ça sera entre elle et Allah subhanahu wa ta'ala. Wa dhakir innama anta mudhakir. Rappelle, tu n'es qu'un rappeleur. Lesta alayhim bi musaytir. Tu n'es pas quelqu'un qui va forcer les gens. Donc, par rapport à la kafara, le premier point, c'est que l'ordre, il est obligatoire. On ne peut pas jeûner 2 mois si on peut libérer un esclave. Même si aujourd'hui, la libération d'esclaves est quasiment inexistante. Certains savants disent qu'en Mauritanie, il y a encore de l'esclavage législativement musulman. Wallahu a'lam. Donc celui qui est dans ce cas-là, na'am, mais nous, ce n'est pas notre cas. Dans la planète, quasiment aujourd'hui, il n'y a plus d'esclaves. Donc, la personne passe tout de suite au fait de jeûner, donc 2 mois consécutifs, obligatoirement. Si jamais elle ne peut pas jeûner 2 mois consécutifs, alors elle passe à la troisième donc solution, qui est le fait de nourrir 60 pauvres. On revient au jeûne. Donc le jeûne, c'est shahrayni mutatabi'in. Le prophète alayhi salatu wa sallam a dit 2 mois consécutifs. La personne, soit elle va commencer son jeûne, donc ça c'est un jeûne de kafara, c'est un jeûne qui est wajib ça, c'est un jeûne qui est obligatoire. Soit la personne va commencer à jeûner ces 2 mois-là, donc avec le début d'un mois lunaire. Avec le début d'un mois lunaire. Donc si jamais c'est le cas, par exemple la personne va commencer au mois de Muharram, même s'il faut qu'elle s'empresse. Mais est-ce qu'elle va pouvoir commencer au début du mois de Shawwal? Est-ce qu'elle va pouvoir, le premier de Shawwal, jeûner? Non. Le premier de Shawwal, c'est quoi? Le premier de Shawwal. C'est l'Eid, c'est Eid al-Fitr. Le premier de Shawwal, c'est Eid al-Fitr. Donc il ne peut pas, c'est interdit de jeûner Eid al-Fitr. Donc si jamais elle commence le premier mois de l'année, le début d'un mois, par exemple le premier de Muharram. Ici, la personne va jeûner 2 mois, en suivant donc le mois dans sa complétude ou son manque. Si le mois fait 30 jours, elle fait 30 jours. Et si le deuxième mois fait encore 30 jours, elle aura fait 60 jours. Si le premier mois fait 30 jours et le deuxième mois 29, elle aura fait 59 jours. Si le premier mois fait 29 jours et le deuxième mois 30 jours, elle aura fait 59 jours. Si les 2 mois font 29 jours, elle aura fait 58 jours. D'accord ? Si elle commence en début de mois, ces 2 mois consécutifs, elle suit les 2 mois lunaires comme Allah subhanahu wa ta'ala les a fait. 29, 29, 30, 30, 29, 30 ou bien 30, 29. D'accord? Si jamais elle ne commence pas en début de mois lunaire, elle doit jeûner 60 jours consécutifs. 60 jours consécutifs si jamais elle ne commence pas en début de mois. Donc ça, c'est le premier point par rapport au décompte du mois. Deuxième point, c'est que la consécutivité, elle n'est pas coupée par les points suivants. Elle n'est pas coupée par les points suivants. Par le fait, donc, il y a une excuse, comme al-hayd pour la femme, si jamais la femme a ses menstrues, 3 jours, 4 jours, 5 jours, 6 jours, une fois que donc, les menstrues arrivent, elle doit couper son jeûne de kafara, de rattrapage donc, du rapport qu'elle a eu pendant le mois de Ramadan. Et une fois donc elle est pure, que le sang s'est coupé, elle prend sa douche et elle continue. Elle fait son bain rituel et elle continue son jeûne. Ces jours-là, donc elle a mangé et qui ont donc été mangés, ils ne rompent pas la consécutivité des 2 mois. Ils ne rompent pas la consécutivité des 2 mois. Ça, c'est une première excuse. Pareil pour la femme, par exemple, qui tomberait enceinte et qui aurait peur donc pour elle ou qui aurait peur pour l'enfant. Si jamais elle fait le fitr, donc elle rompt son jeûne par une excuse donc qui est législativement acceptable, c'est bon. Pareil pour celui qui est malade, celui qui tombe malade pendant les 2 mois. Mais il ne faut pas qu'il joue avec ça. Allah muttali'un 'ala al-qulub. Allah sait ce qu'il y a dans les cœurs. Ce n'est pas la peine de dire aux gens je suis malade, donc je coupe la consécutivité, et sachant que ce n'est pas une maladie conséquente. Allah sait si la personne est malade à un niveau où il lui est permis donc de rompre son jeûne. Donc si la personne est malade, dans le détail qu'on avait donné précédemment, ça peut même être obligatoire pour elle de rompre le jeûne. Si la personne aussi est en voyage, mais il ne lui est pas permis de partir en voyage pour pouvoir rompre son jeûne. Si jamais la personne réellement a un voyage qu'elle doit faire. Donc on avait dit que le safar c'était une excuse pour rompre son jeûne, une excuse législative, la personne pourra rompre son jeûne et ça ne coupera pas, inshallah, la continuité des 2 mois. De même, si jamais il y a l'Eid, donc là on va parler de l'Eid al-Adha, parce que l'Eid, donc al-Fitr, il ne pourra pas être jeûné. Donc la personne, si jamais elle commence son jeûne et qu'ensuite il y a l'Eid al-Adha, et aussi Ayyam al-Tashriq, qui sont les 3 jours après l'Eid al-Adha, ces 4 jours-là, il est interdit de les jeûner. Donc elle mange pendant ces 4 jours-là et après elle continue à décompter ses jours et ça ne coupe pas la continuité des 2 mois. Mais ils ne sont pas comptés ces jours-là qui ont été mangés. Ces 4 jours-là du Eid et les 3 jours de Ayyam al-Tashriq, ils ne sont pas comptés dans les 2 mois. Mais s'ils ont été mangés, ils n'annulent pas donc la continuité. Et l'homme et la femme, donc, par rapport à ces notions-là, ils sont égaux. L'homme doit faire la kafara pour rattraper donc ce rapport-là, et la femme aussi, sauf si elle a été forcée. Illa al-mukraha, idha ukrihat ala al-jima' fala shay'a 'alayha. Si jamais elle a été forcée d'avoir un rapport, son mari l'a forcée, mais qu'elle, elle n'était pas consentante, du début à la fin, elle n'était pas consentante, alors elle n'a pas de kafara. De même le mukrah, même l'homme mukrah, pas par la femme, ça n'existe pas, mais mukrah par quelqu'un par exemple. Quelqu'un lui dit, je te tue si jamais tu n'as pas un rapport sexuel avec ta femme pendant le mois de Ramadan. À ce moment-là, il a le rapport avec sa femme et il n'a pas de kafara. Et de même celui qui le fait par oubli, celui qui a un rapport par oubli. C'est possible. La personne par oubli, elle a oublié que... Et elle a eu un rapport comme ça, sans avoir en présence qu'il est dans le mois de Ramadan et que c'est interdit, il a eu un rapport. Et après le rapport, il a dit, Subhanallah, j'ai oublié, c'était le mois de Ramadan. Hada kadhalik laysa alayhi kafara wala shay. Il n'a rien en réalité. Car c'est comme celui qui a mangé par oubli ou qui a bu par oubli. Ensuite, concernant le fait de nourrir, al-it'am, donc c'est la moitié d'un sa'a. C'est la moitié d'un sa'a. Ça, c'est le plus sûr et le plus sécuritaire, même s'il y a divergence là-dessus. Pour sortir de la divergence, le plus sûr, c'est la moitié d'un sa'a. Donc, on avait dit qu'un sa'a, c'était combien de moud ? 4. La moitié d'un sa'a, c'est donc 2 moud. Un sa'a, c'est 4 moud. Et un mood, c'était quoi? Qu'est-ce qu'on avait dit? C'est quoi un mood? C'est la contenance des deux mains, comme ça, lorsqu'elles sont jointes, pas serrées, pas trop ouvertes. Et les mains de qui? Du prophète alayhi salam. On appelle ça le mood du Nabawi. Donc, c'est des mains moyennes, pas trop grandes, pas trop petites. C'était des mains moyennes, celles du prophète alayhi salam. Donc, c'est nourrir 60 pauvres. Il va falloir nourrir 60 pauvres. Si jamais la personne ne peut pas libérer un esclave, ensuite qu'elle ne peut pas donc jeûner 2 mois consécutifs. Donc la nourriture de 60 pauvres, c'est comme on avait expliqué précédemment, je ne peux pas donner l'équivalent de la nourriture de 60 pauvres à un pauvre. Il faut 60 pauvres, 60 personnes doivent être nourries. Je ne peux pas donner, couper en 4, et donner 15 parts à celui-là, 15 parts à celui-là, 15 parts à celui-là et 15 parts à celui-là sur 4 pauvres. Obligatoirement, je dois couper ça sur 60 pauvres. Il dit ensuite l'imam Ibn Qudama, fa illam yajid saqatat anhu. Si jamais il ne trouve rien de tout ça, donc pas d'esclave, il ne peut pas jeûner et il n'a pas non plus les moyens de nourrir 60 pauvres, saqatat anhu. Il est exempté. Il est déchargé de manière totale, comme ça a été le cas dans le hadith. Le prophète, alayhi salatu wassalam, lorsque la personne lui a dit « Donc je ne peux pas nourrir 60 pauvres », le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ensuite on lui a apporté les dates, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lui a dit « Donne-les en aumône », il a dit « à quelqu'un de plus pauvre que moi », puis la personne les a données à sa famille, mais il ne les a pas donné en tant que kafara. Cette personne-là n'avait pas 60 pauvres dans sa famille. Donc ça n'entre pas dans le kafara. Est-ce que le prophète alayhi salatu wassalam lui a dit, donc puisque tu ne peux pas maintenant, quand tu pourras dans le futur et que Allah t'enrichira, tu nourriras alors 60 pauvres? Est-ce qu'il lui a dit ça? Non, le prophète alayhi salatu wassalam ne lui a pas dit ça. Donc on arrive à ce point-là, si jamais quelqu'un n'a pas la capacité de faire cela et que plus tard Allah subhanahu wa ta'ala lui ouvre des portes et qu'il a de l'argent, il ne lui est pas demandé de faire la kafara, car au moment de l'obligation, il n'avait pas les moyens. Et ça, c'est tiré du hadith même. Alors, on avait donné cette règle-là, la yajuzu ta'khirul bayan an waqt al-haja. Il n'est pas permis donc de repousser la démonstration d'une preuve lorsque c'est le moment du besoin. Et là, la personne n'a pas donc les capacités de faire les 3 étapes. Le prophète alayhi salatu wassalam ne lui a pas dit plus tard, quand tu auras de l'argent, tu nourriras alors 60 pauvres. Une précision, cette kafara-là, ce qu'on appelle la kafara mughalladha, donc cette punition épaisse, elle a lieu donc pour celui qui a eu un rapport pendant le mois de Ramadan. Si jamais il a eu un rapport donc pendant un autre jeûne obligatoire, que ce soit un jeûne de nidr, ça n'entre pas là-dedans. Si jamais c'est aussi pendant le jeûne de kafara, si jamais après il fait ses 2 mois, ces 2 mois de jeûne de kafara, et qu'il a un rapport pendant ce jeûne-là, la consécutivité, elle tombe et il doit recommencer ces 2 mois. Parce que quand la consécutivité est trahie, la personne doit recommencer les 2 mois. S'il a eu un rapport sexuel pendant son jeûne de kafara, donc pendant les 2 mois consécutifs, il doit reprendre son jeûne, mais il n'a pas une kafara pour ce rapport-là. Et de même pour le jeûne de qada de Ramadan, pour le rattrapage de Ramadan. Quelqu'un qui est en voyage et qui a 2 jours à rattraper après le mois de Ramadan, et pendant ce jeûne-là, donc de rattrapage de Ramadan, il a un rapport avec sa femme. Est-ce qu'il a une kafara? Non. Il n'a pas de kafara. Et ça, d'où on le tire? On le tire du hadith. Ce hadith-là, les savants, celui qui a étudié au Usul Fiqh, il sait très bien que ce hadith-là, c'est une base dans ce qu'on appelle tanqih al-manat ou tahqiq al-manat. Al-manat, c'est pour trouver la illa. Quelle est la cause qui fait que il y a kafara ou non? Et ce hadith-là, il a apporté beaucoup de awsaf, beaucoup de descriptions. Et ce qu'on appelle tanqih, le tanqih, c'est le nettoyage, at-tasfiya. C'est le nettoyage, la purification dans la langue arabe. Et ici, là, quand on appelle tanqih al-manat, c'est épurer le hadith de toutes les descriptions qui ne peuvent pas être une cause, une illa du hukm, du statut. Et dans ce hadith-là, on a beaucoup de choses, même d'ailleurs si on réunit toutes les riwayas, toutes les versions, qui montrent qu'il y a des qualités qui dont la présence ou l'absence sont les mêmes. Dans des riwayas, il est dit que l'homme est venu en se tirant les cheveux et en criant. Mathalan. Donc quand on étudie ce qu'on appelle tanqih al-manat, on regarde, est-ce que ça c'est un wasf mu'athir? Est-ce que c'est une qualité qui a des conséquences et qui peut être prise? Est-ce que c'est une qualité qui peut être prise comme illa? Donc si quelqu'un entre, hein, et il ne se tire pas les cheveux, et il ne crie pas, et il dit j'ai eu un rapport avec ma femme pendant le mois de Ramadan, il dit c'est bon, tu n'as pas de kafara? Parce que dans le hadith d'Abu Huraira, il se tirait les cheveux et criait. Est-ce que cette qualité-là, elle peut? On peut l'utiliser pour dire que la illa de la kafara, c'est ça. Hein? Ou bien si quelqu'un entre et il se tire les cheveux, on lui dit t'as une kafara toi, 2 mois, tu dois libérer un esclave. Tu t'es tiré les cheveux, parce que dans le hadith là il s'est tiré les cheveux. Non, c'est ce qu'on appelle tanqih. On enlève, hein, tout ce qui est tout ce qui ne peut pas être une illa, tout ce qui ne peut pas être une cause du hukm. Ils donnent des exemples, ils disent par exemple l'homme est ja'a rajulun, donc un homme est venu, ja'a rajulun, donc si jamais c'est une femme qui vient, est-ce que le hukm il n'a pas lieu? Si c'est une femme qui vient, dit j'ai eu un rapport avec mon homme, avec mon mari, est-ce qu'on lui dit que dans le hadith c'était un homme, donc c'est bon, tu n'as pas de kafara? Non. Il a le Nabi alayhi salatu wa sallam faqal, halaktu ya Rasulallah, qala wa ma ahlakak, qala waqa'tu ala mra'ati fi Ramadan, waqa'tu ala mra'ati, imra'ati. Est-ce que le fait qu'il ait dit ma femme, hein, ça aussi c'est un wasf qui a un impact sur la illa? Si jamais c'est avec une autre femme, on lui dit. Si jamais quelqu'un rentre et dit waqa'tu ala mra'atin, waqa'tu ala mra'atin, j'ai eu un rapport avec une femme. Est-ce que par rapport à ce hadith, on lui dit non, c'est bon, tu n'as pas de kafara? On lui dit ça? Non, parce que ce n'est pas une qualité qui est conséquente, etc. Fi Ramadan, na'am. Fi Ramadan, dans le mois de Ramadan, ça, c'est un impact. Et le hadith, il est long, il y a beaucoup de versions avec beaucoup de qualités différentes. Et une fois qu'on a fait tanqih al-manat, on a nettoyé donc le hadith de toutes les qualités qui ne peuvent pas être une illa. Après, on a tahqiq al-manat, on dit c'est ça, la illa du hukm. Et quelle est la illa du hukm ici? Le rapport sexuel dans le mois de Ramadan. Donc le rapport sexuel qui n'a pas lieu dans le mois de Ramadan ne peut pas être une illa pour la kafara. Et autre chose, dans le mois de Ramadan, une autre cause de rupture du jeûne dans le mois de Ramadan aussi, ça ne peut pas être une cause de kafara. Mughallada. Celui qui mange volontairement, il n'entre pas dans ce hadith-là. Celui qui se masturbe n'entre pas dans ce hadith-là. Pourquoi? Parce que le hadith waqa'tu ala mra'ati. Waqa'tu ala mra'ati. Et la illa, c'est ça, c'est le rapport sexuel. Même si dans le madhhab maliki, eux, c'est la illa pour eux, c'est intihaku hurumati shahr. C'est le fait d'avoir donc transgressé le côté sacré du mois. Donc celui qui mange volontairement, il boit un verre d'eau pendant le mois de Ramadan. Dis-moi, je vais désobéir à Allah, je bois un verre d'eau. Dans le madhhab maliki, il doit libérer un esclave. S'il ne peut pas, il doit jeûner 2 mois consécutifs. Si jamais il ne peut pas, alors il doit alors nourrir 60 pauvres. Mais dans le madhhab, Allah a'lam, chez la majorité, non. Il doit simplement rattraper la journée. Donc qu'est-ce que nous dit l'imam Ibn Qudama? Il dit, فَإِنْ جَامَعَ وَلَمْ يُكَفِرْ. Si jamais il a eu un rapport sexuel, وَلَمْ يُكَفِرْ, il n'a pas fait donc la kafara jusqu'à ce qu'il ait un deuxième rapport. Donc il n'a pas libéré d'esclaves. Le jeûne s'entre là-dedans. Si jamais il a eu un rapport avec sa femme et qu'il n'a pas donc expié cette erreur-là jusqu'à ce qu'il ait eu un deuxième rapport avec sa femme. فَكَفَارَةٌ وَاحِدَةٌ. Alors il doit sortir, faire qu'une seule kafara. Dans le madhhab. On répète, si jamais il a fait un rapport avec sa femme et il n'a pas donc fait la kafara de cette erreur-là. Donc il n'a pas libéré d'esclaves, mais le jeûne, il est obligé de faire après. Et si jamais il sait que lui, il ne peut pas jeûner 2 mois, il n'a pas la santé, il n'arrive pas, mathalan, il a eu un rapport avec sa femme, 2 mois pour lui, ça va être... Il sait qu'il n'arrivera pas. Ça ne veut pas dire que ça va être difficile. 2 mois, c'est difficile, la sharia a été sévère volontairement pour que justement les personnes... donne de l'importance au mois de Ramadan. Car ce qu'a fait la personne, c'est extrêmement grave d'avoir un rapport avec sa femme pendant le mois de Ramadan. Donc la personne a eu un rapport avec sa femme ou une femme, walam yukafir, et il n'a pas donc rattrapé cela par la kafara, jusqu'à ce qu'il ait eu un deuxième rapport avec sa femme. Dans la même journée, là on parle pour l'instant. Dans la même journée, حتى جامع ثانية فكفارة واحدة فكفارة واحدة. Il doit faire qu'une kafara. Donc si quelqu'un a eu un rapport le matin, un deuxième le matin, trois l'après-midi, il a eu cinq rapports dans la journée, on lui dit cinq kafara, il ne trouve pas d'esclave, on lui dit 10 mois consécutifs. 10 mois consécutifs, il y en a, ils disent comme ça. Une kafara par rapport. Mais inshallah, bi'iznillah, il n'y a que une seule kafara, car c'est les mêmes causes. La kafara, sa cause, c'est quoi? C'est le fait qu'il y ait eu un rapport, et en plus sa journée, elle est partie. Sa journée, elle est partie. Il dit, donc ça c'est si jamais ça a lieu dans la même journée. Mais si jamais ça a lieu dans deux journées différentes, donc il a un rapport le lundi et il ne fait pas la kafara, et le mardi il a un autre rapport. Là, ce qu'on lui dit, même s'il fait tout le mois, 30 rapports avec un rapport par jour, il n'y a qu'une kafara? Non. Là, il lui faut une kafara par jour. Il faut une kafara par jour. Na'am, donc chaque jour a sa propre kafara. Chaque jour a sa propre kafara. Comme celui qui mange le lundi volontairement, il mange le mardi volontairement, il mange le mercredi volontairement, il mange le jeudi volontairement. On lui dit, t'as le qada que d'une journée. Un qada de chaque journée. Donc celui-là, il a une kafara pour chaque jour et rattrapé chaque jour. Celui qui a eu plusieurs rapports. Celui qui a eu plusieurs rapports. Il dit wa in kafara thumma jama'a fa kafaratun thaniya. Et celui donc qui a fait la kafara et qui a ensuite un autre rapport dans la même journée, dans le madhhab, selon la parole d'Ibn Qudama, une autre kafara. Une autre kafara. Ça, c'est possible pour la libération de l'esclave. Donc, j'ai eu un rapport le matin, je vais libérer un esclave, parce qu'il est obligé après de l'imsek, il ne doit pas manger, boire. Il dit, ah, c'est bon, j'ai eu un rapport, c'est... je fais ce que je veux dans la journée. Non. Il a libéré son esclave et il a un autre rapport après ça. Il lui faut une autre kafara. Mais par rapport au jeûne, si jamais il doit jeûner, là, comme la kafara elle est après, ça n'entre pas dans ce cas-là. Comme ça. Mais s'il a nourri 60 pauvres, il sait que les deux premières parties, il ne peut pas les faire. Et il a nourri 60 pauvres. Et il a refait un rapport. Alors à ce moment-là, selon la parole, il doit avoir une autre kafara. Et certains savants disent que la journée, elle est partie. Allah a'lam. Donc la personne, elle ne doit pas avoir une deuxième kafara. Allah alam, ça revient au mufti de voir quelle est la vie le plus appropriée à la personne, hein, par rapport à son cas, par rapport au délil. Allah alam, tout ça relève de l'ijtihad. On n'a pas de cas précis par rapport à ça. Allah alam, ça toujours ça se repose sur des qawaid. Il dit ensuite wa kullu man lazimahu al-imsak fi ramadan fa jama'a fa 'alayhi kaffara. Et toute personne pour qui il est obligatoire donc de ne pas manger, boire et d'avoir de rapports en cours de journée. On avait dit, il y avait qui? Celui qui se convertit en cours de journée? Celui qui devient pubère en cours de journée? Vous vous souvenez de ça? Ces personnes-là, si quelqu'un rentre dans l'islam en cours de journée, on avait dit, on a choisi la vie, qu'il ne doit pas, donc il doit faire le imsek, il doit s'abstenir jusqu'au coucher du soleil. Si celui-là se convertit le matin, il a un rapport l'après-midi, il y a une kafara. Donc il faut lui enseigner, il faut lui dire. Et de même celui qui est pubère, en cours de journée, si jamais il a donc eu un rapport, bon, lui faut qu'il se marie, à part s'il va forniquer, mais un jeune qui a atteint la puberté en cours de journée, c'est possible. Donc soit il se marie dans l'après-midi, il a un rapport avec sa femme, soit il est allé forniquer tout de suite après qu'il soit devenu pubère, Allah yahfadna. Donc lui, qu'est-ce qu'il doit faire? La kafara aussi, il doit rattraper cette journée, donc il doit la rattraper, et aussi, il doit donc se rattraper en libérant un esclave, ou bien en jeûnant 2 mois, ou bien en nourrissant 60 pauvres. Et certains disent que, on avait dit, le converti et celui qui vient d'entrer dans la puberté ne doivent pas s'abstenir, mais nous on avait choisi la vie qu'il devait s'abstenir, Wallah a'lam. Il dit ensuite, وَمَنْ أَخَّرَ الْقَضَاءَ لِعُذْرٍ حَتَّى أَدْرَكَ رَمَضَانًا آخَرَ وَمَنْ أَخَّرَ الْقَضَاءَ لِعُذْرٍ حَتَّى أَدْرَكَ رَمَضَانًا آخَرَ. Et celui qui recule son qada, donc les journées qu'il a à rattraper, voyageur, femme qui avait ses menstrues, quelqu'un qui était malade et qui désormais a la santé, donc il a reculé le qada par excuse. Donc il avait une excuse jusqu'à le Ramadan prochain. Donc d'abord par rapport au qada, par rapport au qada, il y a ce qu'on appelle al wajibul mudayyiq et al wajibul muwassa. Le qada, il est obligatoire ou il est recommandé? Il est obligatoire. Le rattrapage des journées qu'on a mangées, pour la femme qui avait ses menstrues, pour le voyageur, pour le malade, c'est obligatoire ou recommandé? Obligatoire. Donc c'est un wajib. Et il y a 2 catégories de wajib. Il y a al-wajibul muwassa, le wajib qui est large dans le temps, et al-wajibu al-mudayyiq, et le wajib qui est étroit dans le temps. Le qada, il est permis donc de le reculer jusqu'à ce qu'il reste du mois de Sha'ban. Et on compte dans le mois de Sha'ban 29 et pas 30, car il se peut que le 30 ce soit le premier de Ramadan, jusqu'à ce qu'il reste du mois de Sha'ban le nombre de jours que tu as rattrapé. Donc pour quelqu'un qui est tombé malade 4 jours pendant le mois de Ramadan, quand est-ce que il est obligatoire pour lui de commencer à jeûner ces jours-là de qada, de rattrapage? Le 29, 28, 27, 26. Donc jusqu'au 25, il a le droit de ne pas rattraper. Au coucher du soleil, donc du 26, le lendemain, quand le fajr se lève, on rentre dans le 26. Donc ce 26-là, il est obligé de le jeûner. 27, 28, 29. Wallahu a'lam. Donc ça, c'est ce qu'on appelle dans ce cas-là, lorsqu'il a reculé son qada jusqu'à ce qu'il ne reste du mois de Sha'ban que le nombre de jours qu'il avait à rattraper. Ça, c'est ce qu'on appelle maintenant le wajib al-mudayyiq. Mais avant cette période-là, c'est le wajib al-muwassa. C'est le wajib large. Il peut jeûner ses jours à rattraper au mois de Shawwal, s'il veut après pendant le mois de Dhul-Qi'da, s'il veut pendant le mois de Dhul-Hijjah, s'il veut pendant le mois de Muharram, et il continue. Il a jusqu'à ce qu'il ne reste de Sha'ban que le nombre de jours qu'il doit jeûner. Donc il dit, si jamais il recule son qada pour une excuse, jusqu'à ce que le prochain Ramadan arrive. Donc quelqu'un qui était malade. Mais ce n'est pas une maladie dont on n'espère pas la guérison, parce que pour celui-là, il y a l'it'am, il doit nourrir. Mais quelqu'un qui est malade, une maladie dont il espère la guérison. Mais cette maladie reste avec lui jusqu'au prochain Ramadan. Celui-là, qu'est-ce qu'il doit faire? Qu'est-ce qu'il a dit? وَإِنْ تَرَكَ الْقَدَى, s'il a délaissé le rattrapage donc de ses journées à jeûner. وَمَنْ أَخَرَ الْقَدَى لِعُذْرٍ وَإِنْ أَخَرَ الْقَدَى, et si jamais il recule le qada par excuse, comme c'est le cas de cette personne qui est tombée malade jusqu'au prochain Ramadan, حَتَّى أَدْرَكَ رَمَضَانًا آخَرَ فَلَيْسَ عَلَيْهِ غَيْرُ, il n'a pas d'autre chose à faire si ce n'est rattraper ce qada après l'autre Ramadan, car il a une excuse. De même la femme qui était enceinte. Elle a mangé par peur pour elle-même ou bien pour son enfant. Ensuite, elle a accouché. Après les lochis, elle est retombée enceinte. Elle a dit, je vais reculer un petit peu le qada. Elle est retombée enceinte. Et après, elle est retombée enceinte et elle a reculé jusqu'à ce qu'après, elle ait eu peur aussi pour elle-même ou pour l'enfant. Et l'autre Ramadan suivant l'a rattrapé. Et elle n'a pas rattrapé ses journées. Elle a une excuse ou non? Oui, elle a une excuse. De même pour la femme qui avait mangé parce qu'elle était enceinte, ou bien pour elle-même, ou bien pour son enfant. Après le mois de Ramadan, elle a mis au monde son enfant, et elle s'est mise à l'allaiter, et par peur, donc parce qu'elle est en état d'allaitement, elle ne veut pas jeûner. Elle ne peut pas rattraper son qada. Donc cette femme-là va allaiter peut-être 1 an. Elle va allaiter jusqu'au prochain Ramadan. Donc ça, c'est une excuse. Cette femme-là, après l'autre Ramadan, elle devra simplement faire le qada des journées Donc elle avait mangé à l'avant-dernier Ramadan, etc. Et les cas sont nombreux. Et pourquoi ? Parce que c'est la base. La base, c'est que tu dois faire seulement ce qada-là. Et comme tu ne l'as pas reculé de manière volontaire, tu n'es pas donc responsable de faire plus que cela. Il dit « wa in farrata ». Il dit « wa in farrata at'ama ma'al qada'i li kulli yawmin miskina ». Il dit « si jamais il a négligé hein, ». Oh, plus tard, jusqu'à ce que le mois de Ramadan est arrivé. Donc par négligence, il a négligé, il dit, il doit avec le qada, avec le rattrapage de ces journées-là, nourrir pour chaque journée un pauvre. Il doit nourrir pour chaque journée un pauvre. Et ça, les savants se basent sur des fatwas des sahaba radiallahu anhum. Beaucoup de compagnons, Ibn Abbas, Ibn Omar, Abu Huraira, radiallahu anhum, ils émettaient cet avis-là. Beaucoup de salafs, parmi les compagnons, disaient que celui qui a reculé sans excuse valable son qada jusqu'à ce qu'il ait été rattrapé par le prochain Ramadan, il doit donc en plus du qada nourrir un pauvre par journée. Et ça a été rapporté avec des chaînes de transmission qui sont authentiques. Mais on n'a pas de hadith clair par rapport à ça. Il y en a un, mais il est faible. On n'a pas de hadith authentique. Il dit ensuite, rahmatullah alayhi, donc l'imam Ibn Qudama, wa in taraka al-qada'a hatta mat. Et s'il a délaissé le qada jusqu'à ce qu'il meure, li'udhrin, par excuse, fala shay'a alayhi. Comme cette femme qui avait du qada, elle devait faire, donc rattraper des journées du mois de Ramadan qu'elle avait mangé parce qu'elle était enceinte ou parce qu'elle allaitait. Et ensuite, pendant son allaitement après le mois de Ramadan, elle est morte. Et elle ne pouvait pas rattraper ces journées-là parce qu'elle avait peur pour elle-même ou bien pour l'enfant, par manque de lait ou autre, qui serait causé par le jeûne. Elle n'a pas fait son qada. Et il faut bien se rappeler que ce n'est pas toute femme enceinte qui a la permission de ne pas jeûner. Et ce n'est pas toute femme qui allaite. Ce n'est pas parce que la femme, après le mois de Ramadan, elle allaite, qu'elle dit « ah, je ne fais pas mon qada, j'allaite ». Non. Est-ce que cet allaitement, il crée une peur pour toi ou une peur pour l'enfant ? Est-ce que cette grossesse crée une crainte pour toi, une crainte pour l'enfant ? Et si ce n'est pas le cas, elle est obligée de faire son qada. Donc si jamais une personne, par excuse valable, avec une excuse valable, elle est morte sans avoir fait son qada. فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ. Il n'y a rien pour lui. Et il n'y a rien non plus pour les gens de sa famille. Car on verra après que dans des cas, les gens doivent jeûner pour lui ou autre. Donc il n'y a rien. Pourquoi ? Parce que lui était permis donc de ne pas faire ce qada-là. لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا. Allah ne surcharge une âme que ce qu'elle peut supporter. Et la personne, elle était dans فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ. Elle craignait Allah autant qu'elle pouvait. Donc c'est la base. إِبْرَاءُ الذِّمَّةِ. L'âme, elle est innocente hein, de péché ou bien d'une charge d'œuvre à faire. Tant qu'il n'y a pas preuve de cela, et s'il n'y a pas preuve, la personne avait la permission législativement de reculer son qada parce qu'elle avait une excuse, donc il n'y a pas de raison de dire qu'elle doit faire quelque chose ou bien qu'elle est dépêchée ou bien que sa famille aussi doit faire quelque chose pour elle. Et elle n'a pas de péché non plus. Quelqu'un qui par exemple doit rattraper 5 jours du mois de Ramadan et il meurt en cours d'année, il ne les a pas rattrapés alors que il avait dit moi je vais les rattraper plus tard à Sha'ban, parce qu'on a dit que le qada ici il est moissa, il est large. Il meurt donc en cours de route. Cette personne-là, il n'a pas de péché, hein, selon hein, tous les savants. Il n'a pas de péché. Tant qu'il avait l'intention de les rattraper avant le Ramadan prochain. Mais c'est mieux, bien sûr, de rattraper ses journées le plus vite possible pour innocenter sa personne. Car la personne n'est pas à l'abri de quitter ce bas monde-là à n'importe quel moment. Il dit « wa in kana li ghayri udhrin ». Donc si jamais il est mort et qu'il a délaissé le qada, le rattrapage des journées qu'il avait mangées, sans excuse, il n'y avait pas d'excuse valable. Il dit « Ut'ima anhu li kulli yawmin miskina ». Pour chaque jour, donc on doit nourrir, donc c'est la famille, ou bien quelqu'un d'autre que la famille, à la base c'est les proches, et si les proches ne le font pas, ou bien même si quelqu'un volontairement veut le faire pour lui, alors il faut nourrir pour cette personne pour chaque jour qu'il a mangé un pauvre. Un pauvre. Ça, c'est dans le madhhab. Nous, on va voir que, Wallahu a'lam, on ne va pas prendre cet avis-là. Donc, dans le madhhab, si une personne a délaissé le qada sans excuse et qu'il est mort, que doit faire la famille? Elles doivent nourrir pour chaque journée, donc qui ont été négligées, délaissées, un pauvre. Nourrir un pauvre par journée. Sur quoi elle se base? Pareil sur des fatwas des salafs, rahimahumullah. Notamment une parole de Aïcha qui a parlé donc du cas de cette personne. Elle a dit yut'amu anhu. Yut'amu anhu. On doit nourrir donc pour lui une personne par jour. C'est rapporté par Abu Daoud. Et aussi Ibn Abbas a une fatwa équivalente. Il dit illa an yakuna as-sawm manzuran. Donc ça parle du madhhab. Nous on va voir, comprendre une autre parole. Il dit illa an yakuna as-sawm manzuran fa innahu yusamu an. Il dit sauf si jamais c'est un jeûne qu'il avait promis. Le nadr, la promesse, le vœu. Un jeûne qu'il avait promis à Allah. Oh Allah, si tu me donnes un enfant, je jeûnerai 3 jours. Oh Allah, si je trouve un travail, donne-moi un travail, si tu me le donnes, je jeûnerai 5 jours. Ça on avait dit, c'était quoi le statut de ça? C'est makro, bien haram, l'un des deux. Le prophète alayhi salatu wasalam l'a dit, la ya'ti bi khair. Le nadr, la promesse, le vœu, il n'apporte aucun bien. Il n'a pas de bien là-dedans. Il dit, innama yustakhraju min al-bakhil. Ça ne provient que de l'avare. Pourquoi est-ce que cette personne a été qualifiée d'avare? Qu'est-ce qu'un avare par rapport à la notion d'argent? Celui qui garde son argent. Et c'est par intérêt qu'il va le dépenser. Alors que Al-Karim, Al-Jawad, celui qui est généreux, c'est celui qui va dépenser même s'il n'y a pas un intérêt à la base, si ce n'est bien sûr prendre une récompense auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais c'est celui qui dépense sans qu'il y ait un intérêt, un mondain, matériel par rapport à cette dépense-là. C'est le généreux. Cette personne-là, lorsqu'elle conditionne la ibada par un don qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui ferait, ça sous-entend que si jamais il n'y a pas ce don-là, je ne ferai pas cette ibada-là. Oh Allah, si tu me donnes un enfant, je jeûnerai 3 jours. L'implication de ça, tu ne me donnes pas d'enfant, eh bien je ne jeûnerai pas 3 jours. Donc c'est une ibada dont la naissance a lieu pour un intérêt. Et ça ne repousse pas le qadar d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce qui doit t'atteindre, t'atteindra, et ce qui ne t'atteindra pas, ne va pas t'atteindre. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a légiféré ad-du'a, l'invocation, la prosternation, demander à Allah azza wa jalla si on veut obtenir quelque chose. Et la personne souvent, elle fait un nadr qu'ensuite elle ne peut pas supporter. Parce que souvent les gens, ils font ce nadr-là lorsque le qada d'Allah subhanahu wa ta'ala devient étroit pour eux. Ça fait longtemps qu'il veut obtenir quelque chose et il n'y arrive pas. Alors il dit, oh Allah, si tu me donnes ça. Et souvent pour, soi-disant, selon sa compréhension, plaire à Allah, il va donner quelque chose qui est important en conséquence à ce don d'Allah. Et Allah, tu me donnes un enfant, je vais donner tout mon argent en sadaqa. Allah, il va t'éprouver, il va te le donner l'enfant. Après, il faudra que tu ailles au compte en banque, tu enlèves tout et tu donnes en sadaqa. Là, parfois, la personne dit des phrases dont elle ne se rend pas compte des conséquences. Ya Allah, si tu me donnes un enfant, Ya Allah, je trouve un travail, je jeûne 2 ans. Après, Ya Allah, tu trouves un travail, il faut jeûner les 2 ans. Donc le nadr, c'est makruh ou bien haram. Mais une fois qu'il est contracté, il devient wajib. Il devient wajib. C'est pour ça que le nadr, c'est une ibada. Une fois qu'il est... C'est une ibada. On avait dit dans l'Usul Thalatha, dans l'explication, comment ça se fait qu'une ibada, elle est qualifiée de makruh. Une fois qu'elle est contractée, elle devient obligatoire. Et ce qui est obligatoire ne peut être qu'une ibada. Et ce qui est obligatoire ou recommandé ne peut être qu'une ibada. Allah rend obligatoire un péché ou recommander un péché. Allah il ne rend pas obligatoire ou recommander une désobéissance. Tout ce qui est wajib ou bien mustahab est une ibada. C'est une adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais comment ça se fait qu'on dit que c'est makruh? C'est makruh alors que le nadr est une ibada. C'est le contracté qui est makruh. Mais une fois qu'il est contracté, ça devient wajib. Donc dans le madhhab Hanbali, ils disent sauf un jeûne qu'il avait promis. Donc si jamais il meurt et qu'il a laissé donc derrière lui un jeûne qu'il avait promis, alors on doit le jeûner pour lui. On doit le jeûner pour lui. La famille doit le jeûner pour lui. Et il se base sur le hadith suivant, donc qui est rapporté par Al-Bukhari et Muslim, dans lequel une femme, جاءت امرأة تسأل النبي صلى الله عليه وسلم. Elle lui a demandé au sujet de sa mère. Matat wa alayha sawm nadhrin. Sa mère est morte et elle a donc laissé derrière elle un jeûne qu'elle avait promis. Qalat afa aqdihi anha? Est-ce que je dois le jeûner pour elle? Qala na'am fa daynu Allah ahq an yuqda. Il a dit oui, la dette qui est due à Allah, c'est la dette qui est le plus à même à être remboursée. Na'am fa daynu Allah ahq an yuqda. Oui, la dette d'Allah subhanahu wa ta'ala, alaykoum salam, la dette d'Allah subhanahu wa ta'ala est celle qui est la plus à même à être remboursée. Donc ça, c'est dans le madhhab Hanbali. Qu'est-ce qu'on a dit? Le qada, s'il est reculé sans excuse jusqu'à ce que la personne meure, qu'est-ce qu'on doit faire? Nourrir un pauvre pour chaque jour que cette personne a laissé derrière elle. Si jamais c'est un jeûne, donc de nidr, de promesse, qu'est-ce qu'on doit faire? Jeûner pour la personne. Mais Allahu a'lam, wa l'ilmu indallah, la vie que l'on choisit, inshallah, et c'est la vie de beaucoup, c'est que le jeûne de manière totale, il doit être jeûné pour cette personne-là. Hein? Tout jeûne obligatoire. Donc le jeûne du mois de Ramadan, et dans le Mousnad d'Ahmed, il y a une version authentique dans laquelle une femme est venue, une version qui ressemble à celle-là, qui est venue au prophète alayhi salatu wasalam et qui a dit « Ô messager d'Allah, ma mère est morte et a laissé derrière elle du jeûne du mois de Ramadan. Est-ce que je dois jeûner pour elle ?» Et il lui a dit « Jeûne pour ta mère. » Donc ce hadith, il est clair dans le Mousnad de l'imam Ahmed par rapport au jeûne du mois de Ramadan. Et aussi, on a un hadith qui est large et qui englobe tous les jeûnes, et on va le citer. Donc on a le jeûne du mois de Ramadan, c'est un jeûne obligatoire, le jeûne des kafara, celui qui meurt et qui n'a pas fait son jeûne de kafara ces deux mois consécutifs, ou bien les jeûnes de kafara, on verra, c'est la même kafara pour le dhihar, celui qui dit à sa femme, tu es pour moi comme le dos de ma mère. Et on a ces règles-là dans Qad sami'a Allahu qawla allati, dans la surah Qad sami'a Allah, al-mujadila, ou bien Al-Mujadala, dans cette surah-là, on a la kafara du dhihar, qui est la même kafara que celui qui a eu un rapport sexuel pendant le mois de Ramadan. C'est le même, c'est la même. Libérer un esclave, si tu ne peux pas deux mois consécutifs, si tu ne peux pas, alors tu dois nourrir 60 pauvres. Celui qui a un jeûne de kafara par rapport à un dhihar et qui meurt, cette personne-là, on doit jeûner pour lui. Mais on va voir, on ne doit pas jeûner tout comme on peut jeûner le jeûne du mois de Ramadan ou bien le jeûne du Nadr. Donc troisième forme de jeûne que l'on doit jeûner pour la personne si elle meurt et le laisse derrière son dos, c'est le jeûne de la promesse du Nadr. Donc quelqu'un qui meurt et qui a donc encore sous sa responsabilité 5 jours à jeûner, on doit les jeûner pour lui. Et ça on le prend du hadith suivant qui est rapporté par Al-Bukhari et Muslim rahmatullahi alayhima, dans lequel le prophète alayhi salatu wa salam dit man mata وعليه صيام صام عنه وليه من مات وعليه صيام صام عنه وليه. Celui qui meurt et qui a encore pour lui du jeûne, donc de manière totale, ça ce qu'on appelle siyam ici, c'est nakira fi siyaq al-shart. Man mata wa alayhi siyam siyam nakira fi siyaq al-shart. Ayna al-shart? Man shartiya Tufidu al-Itlaq. Donc ça montre le caractère absolu du jeûne. Donc celui qui meurt en ayant encore sous sa responsabilité, donc à sa charge du jeûne, waliyuhu, donc là c'est à comprendre comme la famille, hein, à comprendre comme la famille. D'autres disent que c'est les héritiers, hommes. Wallah a'alam, nous on prend l'explication qui dit que c'est la famille. Sa famille doit jeûner pour lui. Sa famille doit jeûner pour lui. Donc une personne qui meurt et qui a laissé derrière lui du jeûne, hein, il est du devoir de la famille, mais c'est recommandé, pas obligatoire. Hein. C'est mustahab pour eux de jeûner donc pour cette personne. Il a laissé 20 jours, il faut jeûner pour lui 20 jours. Soit une seule personne, ou on peut le diviser. S'il y a 20 personnes, 20 personnes prennent une journée chacun, ils peuvent même jeûner la même journée. Tous le même lundi, ils jeûnent, et chacun avec l'intention que ce jeûne-là, c'est pour cette personne-là. Donc qui est morte et qui avait laissé à sa charge du jeûne, sauf le jeûne de kafara, obligatoirement il faut que ce soit 2 mois consécutifs d'une seule personne. Mais c'est recommandé, c'est pas obligatoire. Mais là on peut pas le partager parce que ce jeûne là à la base il n'est valable qu'avec cette condition là. Donc pour le jeûne de la kafara on ne peut pas partager entre plusieurs personnes. Et c'est la famille, si jamais une autre personne veut le faire, il est permis. Ce n'est pas une condition que ce soit la famille obligatoirement. Il dit ensuite, rahmatullahi alayh, et on termine, il dit, وَكَذَلِكَ كُلُّ نَذْرِ طَاعَةٍ. Il dit, et de même pour toute promesse donc d'adoration. Donc ici, dans le madhhab, selon cette parole, on la garde, bihaoulillah azza wa jal, il y a la divergence là-dessus. Il dit, et de même sur la promesse de toute adoration. Donc quelqu'un qui a promis de faire un hajj, quelqu'un qui a promis de faire une umrah, quelqu'un qui a promis de faire 4 rak'at, quelqu'un qui a promis de lire un hizb, mais il a fait un nadr. Ya Allah, tu me donnes un travail, je lirai surat al-Baqarah. Ya Allah, tu me donnes un enfant, je ferai 4 rak'at par nuit pendant 2 semaines. Donc il a 28 rak'at à faire. Il a 4 x 4, 4 x 4, 16. Il a 56 rak'at à faire celui-là. 2 semaines, 7 et 7, 14, 4 rak'at par nuit. Donc celui-là, il faut faire 56 rak'at selon son nadr. Hein. Tu ne peux pas faire 56 rak'at le matin pour lui. Tu es obligé de faire 4 rak'at par nuit. Hein. Lui, il fait 2 rak'at, lui, il fait 2 rak'at. On peut les partager. Donc selon le madhab Hanbali, même s'il y a divergence là-dessus, Allah a'lam, si Allah nous permet de faire un autre charh une prochaine fois plus large et détaillé, on verra, Allah a'lam, s'il y a d'autres avis et plus authentiques. Mais là, on ne rentre pas trop dans le détail pour, inchallah, rester simple. Donc dans le madhab, toute promesse, si jamais elle n'est pas faite par la personne avant sa mort, donc elle meurt en laissant derrière lui une promesse, alors il est du devoir de la famille. Quand je dis devoir, ce n'est pas obligatoire. Il est recommandé, pardon, pour la famille ou toute autre personne, donc de faire cette promesse à sa place, quelle qu'elle soit en termes d'œuvre. Bien sûr, pieuse, si c'est une promesse de péché, il ne faut pas la faire. Si c'est une promesse de péché, il ne faut pas la faire. Wallah a'lam. Quelques points qu'on n'a pas vus, hein, qu'on avait passés, par rapport à la niyyah. Je me souviens qu'on n'est pas assez rentré dans le détail. Par rapport à l'intention, il y a un point qui est important. Est-ce que l'intention de jeûner tout le mois de Ramadan suffit en début de mois, ou bien est-ce qu'il faut une intention pour chaque nuit? Bien est-ce qu'il faut une intention pour chaque nuit? Dans le madhhab, il faut une intention pour chaque nuit. Une intention pour le premier jour, avant le lever du fajr du premier jour. Une intention pour le deuxième jour, avant le lever du fajr sadiq, le fajr véridique du deuxième jour. Une intention pour le troisième jour, avant le lever de l'aube du troisième jour, etc. Dans le madhhab maliki, une intention pour tout le mois, ça suffit. Une intention pour tout le mois, ça suffit. Les deux avis se tiennent. Les deux avis se tiennent parce que le mois de Ramadan, c'est une ibada dans sa complétude. De manière entière, le mois, c'est une adoration. Allah, il dit « Shahr Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an ». Il dit « Faman shahida minkum al-shahra falyasum ». Donc le mois de Ramadan, c'est une entité de manière complète. Et d'autres disent que chaque nuit, Allah alam, doivent avoir leurs intentions par rapport à hadith innamal a'malu bin niyyat. Les actes ne valent que par les intentions et chaque journée doit avoir sa propre intention. Donc les deux se valent, Allah alam. Pour sortir d'une porte large, la personne, elle met une intention au début de mois de jeûner tout le mois. De jeûner tout le mois. Comme ça, si jamais elle oublie un jour, par exemple, elle n'avait pas mis l'intention. Après, elle a fait ses tarawih, en rentrant à la maison, elle n'a pas mis l'intention de jeûner le lendemain. Elle n'a pas mis l'intention, elle s'endort, elle se réveille après le fajr. Est-ce que sa journée, elle n'est pas acceptée? Naam. Elle n'est pas acceptée. Il doit faire l'imsek, mais il doit rattraper cette journée-là dans le madhhab ici. Mais pour faciliter, Allah alam, on prend la parole de l'imam Malik, c'est-à-dire on l'applique en début de mois, on met l'intention de tout le mois, mais il faut s'efforcer aussi obligatoirement de mettre l'intention toutes les nuits. Si quelqu'un oublie, ça peut arriver, ça. Surtout là, les nuits sont très courtes. Quelqu'un, il se peut qu'après le tarawih, il rentre fatigué et il ne s'est pas dit, il n'a pas mis l'intention le lendemain de jeûner et qu'il se réveille, Allah alam, ça risque d'être difficile pour certains. Et l'intention, c'est quoi? Simplement l'intention d'avoir demain, je vais jeûner. Ou bien simplement le fait de prendre son suhur, le fait de manger son suhur, c'est l'intention, ça. Pourquoi tu manges le suhur? On avait dit ça dans les ablutions. Ton intention, c'est la réponse à la question. C'est la réponse à la question. Pourquoi tu manges? Si quelqu'un dit, j'ai une petite faim, je veux manger, j'ai un petit creux. Ça, c'est pas pour le lendemain, c'est pas pour Ramadan. Donc là, à ce moment-là, il n'a pas de niya. Et si jamais il dit c'est parce que ben, c'est sahur, là, c'est l'heure du sahur, je vais jeûner là, tout à l'heure. Alhamdoulilah, ça c'est une intention. Ah, pas. Prévenir le réveil, ça peut être une intention. Oui, aussi régler le réveil, na'am. Celui qui met le réveil avec l'intention de se réveiller pour le sahur, na'am. Et le mieux, c'est à chaque fois que le soleil se couche, quand tu as mangé, tu mets l'intention de, le lendemain de jeûner. Comme ça, Inch'Allah, tu es dans la certitude. Mais il ne faut pas non plus rentrer dans les ouïs-ouïs et la phobie à chaque fois de « j'ai eu l'intention ou je ne l'ai pas eu ». Non. Personne ne sait très bien si demain vous voulez jeûner ou pas. Wallah a'lam. Donc ce sont les points majoritaires de ce chapitre-là concernant les gens qui ont le... qui rompent leur jeûne. Allah a'lam, je pense qu'on a fait la majorité. Même s'il y a beaucoup de fourreaux, il y a beaucoup de ramifications et de points précis. Donc après, il faut se cultiver en fatwa, poser des questions aux savants. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.